Elle a vraiment tout, tout pour me troubler. Elle a vraiment tout pour me faire rêver. Et chaque fois que j'essaie de l'embrasser, aussitôt elle se met à répéter. Yeah, faut pas faire ça. Ouais, faut pas faire ça. Voilà tout ce qu'elle s'est dit. Faut pas faire ça. Rester de glace, moi je ne le peux pas. Je tiens plus en place quand je la vois. Y'a rien à faire, moi je ne suis pas de bois. Mais je l'entends répéter chaque fois. Yeah, faut pas faire ça. Ouais, faut pas faire ça. Voilà tout ce qu'elle s'est dit. Faut pas faire ça. Bientôt je l'aurai. Quand toute douce elle va me demander, va voir mon père, dis-lui que tu veux m'épouser. Alors c'est moi qui vais lui répéter. Yeah, faut pas faire ça. Ouais, faut pas faire ça. Voilà ce que je vais lui dire. Faut pas faire ça.